Non, non, ne te pique pas, surtout pas. Ne tue pas pour oublier ton passé. Ne fume pas, ouais. Ne sniffe pas, yeah. Ne fais pas les choses que tu pourrais regretter. Je parle des autres, mais aussi de mes potes, qui oublient vite que derrière la drogue, il y a les menottes. La drogue donne l'argent, mais elle ne fait pas le bien-être. Elle donne du bonheur aux gens, juste le temps d'une cramette. Je sais de quoi je parle, il m'arrive des fois de les voir. Ces gens-là qui s'énervent parce qu'ils n'ont pas eu leur dose du soir. Je t'en parle facilement parce que je vois que ça circule. Les dealers de touch comme celui qui refourgue ses pilules. Drogué d'esprit, les gens pensent que leur corps réclame. Mais c'est l'envie qui pousse à tous dans ta tête, man. Ça m'a toujours intrigué, le monde de l'argent facile. Et si j'y songe aujourd'hui, c'est pour contrer ce monde si hostile. Un petit joint, ce n'est pas si nocif. Je parle d'une quinzaine de taf et non d'une quinzaine de spliff. La drogue t'aveugle en t'offrant du plaisir toute la nuit. Ce n'est qu'après que tu comprends que grâce à ça t'as raté ta vie. Tu loupes les cours, t'arrives pas en retard au taf. Tu te sens rejeté, tu te fais traiter, on te fout des paf. T'as plus la notion du temps, t'es un homme de la nuit. Et qui sort presque mort car la dose n'a pas suffi. Ne te saoule pas, non. Ne te pique pas, surtout ne pas. Ne te shoot pas pour oublier ton passé, c'est vrai. Ne fume pas, non. Ne sniffe pas, surtout pas. Ne fais pas les choses que tu pourrais regretter. Écoute ça. Tous les gens le pensent, mais pourquoi personne ne le dit? L'argent que tu dépenses, c'est pour détruire ton esprit. Tu consumes ton joint aussi vite que ta vie, mais t'en as rien à foutre parce que cette merde te rend ravi. Parfois tu perds le contrôle et penses que la vie est un enfer. Et le lendemain tu réfléchiras dans une cellule pénitentiaire. Les gens disent se droguer pour arrêter leur stress, mais elle te contrôle et tu n'arrêteras pas sans cesse. Et sans arrêt tu stresses, alors tu te demandes à quoi ça sert. Prêt à t'arrêter, tu te rends compte que t'es dans la merde. Et je ne dis pas tout ça pour vous faire la morale, mais je la vois circuler autour de moi tant bien que mal. Mais ils préfèrent continuer de fumer des joints et boire des bières sans même écouter ce qu'on leur met dans les oreilles. En résumé, les drogués d'esprit n'ont pas tort, c'est clair. Cette quoi? Cette vie est un enfer. Ne te saoule pas, non, non. Ne te pique pas, yeah. Ne tue pas pour oublier ton passé. Écoute les rixes. Ne fume pas, c'est ça. Ne sniffe pas, oh, non. Ne fais pas les choses que tu pourrais regretter. Ta vie se consume comme un joint, elle peut à tout moment s'éteindre. Et assume la drogue tue, mon pote Faki pour en témoindre. Et ouais les rixes, elle donne le bonheur aux gens pour un instant. On analyse ce qu'on voit, on l'écrit puis on le fait entendre.